quand nous roulions sur les chemins. Le vélo, c'est bien connu, ça ne s'oublie pas. Oh, je n'ai jamais été fervente cycliste, je le confesse. Non pas que je manque d'inclination, bien au contraire. Disons que les circonstances de ma vie s'y sont rarement prêtées. Et maintenant, à presque 60 ans, je ne vais pas commencer à jouer les pédaleuses attardées, n'est-ce pas? Or, ce n'est pas ainsi que l'entendait l'homme de ma vie. Tout a commencé à Noël par l'achat d'un vélo d'appartement, bon pour le cœur et pour se refaire une musculation, disait-il. Mais ce serait mal le connaître que d'imaginer que ça s'arrêterait là. Au printemps, au détour d'une promenade, voilà que nous tombons nez à nez avec des engins de rêve, accompagnés de charmants bonimenteurs. Mais quel est cet élément supplémentaire accroché au cadre? Une batterie, pardi! Magnifique! La voilà donc la solution pour motiver nos gambettes moyenâgeuses à grimper quelques déclinaisons. Plusieurs mois de rêves, de recherches sur la toile, de discussions passionnées et de comparaisons commerciales plus tard, la décision est prise. Cyclistes nous deviendrons et au guidon, nous nous éclaterons. Grâce à l'aimable complicité de Christian, passionné vendeur dans notre magasin favori, nous avons patiemment attendu, choisi et étudié les nouveautés au rayon des cycles, miraculeusement en promotion le premier mois de leur sortie. Puis, par une belle matinée ensoleillée, j'enfourchais le roulant d'estrier et, juché à 1 mètre ou presque du sol, expérimentais la voltige sur 2 roues. Malgré mon manque d'équilibre chronique, les hôpitaux de France et de Navarre vous le confirmeront, l'essai fut concluant et quelques minutes plus tard, nous passions à la caisse. Quel fabuleux instant nous vivrons désormais. Tout à ma joie d'être encore capable de telles prouesses, je n'en reviens pas. Je n'ose pas au début utiliser la batterie à son maximum, mais bien vite j'apprends. À nous, les petites routes du pied du Jura, les jolis villages fleuris du Gros-de-Vaud et même, au grand ébahissement de nos amis et voisins, les allées et retours spontanés au supermarché du coin. Fier comme Artaban sur son cheval blanc, je ne crains plus personne sur ma mécanique en aluminium. Enfin, presque. Le souvenir d'une pente un peu raide et de ses conséquences il y a plus de 30 ans, m'ayant rendu prudent pour la vie, nous choisissons pour le moment de descendre de notre montagne en train avec nos montures afin de nous amuser en plaine sur des routes à peu près plates. Ça suffit comme ça pour commencer. Et hardi petit, 47 km le premier jour, d'Yverdon à Orbe et retour, 60 le second, en direction d'Estavayer, 111 en 3 jours. Bientôt, les changements de vitesse n'ont plus de secret pour moi. Je bénis l'ingénieux être humain qui a mis au point cette machinerie qui, pour une fois, contrairement à bien d'autres, me facilite la vie. Jusqu'au jour où ce fut la chute. Un jour comme les autres, pourtant, où tout avait bien commencé. Soleil, chaleur et petits osios. Nous sommes descendus en train comme à l'accoutumée jusqu'à 6 fontaines, puis nous avons roulé jusqu'au lac et nous avons poussé jusqu'à Grandson. Mais en passant par Orge et Gier cette fois, ou peut-être le contraire. Enfin, je ne me souviens plus très bien du trajet exact. Nous nous sommes arrêtés dans un joli restaurant au bord du lac pour nous désaltérer et reposer nos jambes. Puis, chassés par les hurlements stridents d'enfants en bas âge hystérique, rendus fous par la proximité d'une baignade, nous avons pris le chemin de la gare pour remonter chez nous. À un moment, au-dessus d'un des nombreux petits canaux qui convergent vers le lac, est posé un petit pont japonais. Pour enfermer l'accès au véhicule à moteur, une lourde chaîne est tendue entre 2 poteaux. Le passage à vélo se fait donc aisément d'un côté ou de l'autre du pont, ce que mon compagnon, équilibré, lui, réussit à merveille. Lors d'une précédente promenade, audacieuse mais pas téméraire, je suis descendue de machine pour passer l'obstacle. Cette fois, le petit démon du risque m'attaque et je tente mon bateau pour suivre mon homme. Or, au moment où je dois tourner à gauche, ne voilà-t-il pas que ma brave mule de bécane continue, elle, tout droit. La suite relève d'un délire fantasmagorique. La chaîne clôturant le petit pont se prenant entre ma roue et mon pare-choc, les 2 poteaux, heureusement posés sur des fondations pourries, se décelant très lentement, je chus en un ralenti très doux une apocalypse silencieuse de roues, de sacoches et de ma personne, sans le feu ni les flammes. Et je me retrouvais posé sur le dos, les quatre fers en l'air, tel un hanneton coincé sous mon vélo. Même pas mal. Enfin si, quelques bleus que j'exhiberai plus tard, dans leurs belles variantes de pourpre puis de vert, avant de tourner au jaune, comme autant de trophées couronnant ma bravoure. Bien sûr, je n'aurais pas été moi si je n'avais pas, anticipant l'accident, poussé un cri strident. Sans savoir alors si je m'en relèverais vivante, j'ai quand même eu le temps de me confirmer d'un dernier regard que notre civilisation n'était pas encore tout à fait des canons. En effet, pas moins de quatre messieurs ont réagi au quart de tour à mon appel. Mon cher et tendre a accouru, ce n'est pas une surprise, mais merci quand même, de même qu'un employé de la voirie qui se trouvait par là. Sur la route, un aimable quadragénaire a bondi hors de sa voiture et un cycliste a sauté de son vélo. Quatre messieurs bien sous tout rapport au secours de ma petite personne. Je n'en croyais pas mes yeux ni mes cheveux blancs. Ils ont relevé les 25 kilos de ferraille qui m'étaient tombés dessus avant de m'aider à me relever moi. Non, sans me souffler au passage. Que la prochaine fois, il serait plus judicieux que mon casque se trouve sur ma tête plutôt que dans ma sacoche. Ce texte audio gratuit vous a été lu par son auteur pour audiocité.net. Merci de l'avoir écouté.